La prophétie par De Glanrin. Livre premier, Les âmes sœurs. Au commencement était le rêve. Un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. Frank Herbert, Dune. Chaque jour, à la même heure, et depuis de longs mois déjà, le rituel se répète. Jean Rhin entre dans la petite pièce qui lui sert de bureau et s'assied dans ce même vieux fauteuil au tissu élimé face à l'écran de son ordinateur. D'un geste là, il laisse aller ses doigts sur le clavier. Avec les mêmes automatismes, il ouvre le traitement de texte et, immobile devant l'écran blanc, regarde passer les heures qui s'égrènent sur la pendulette posée devant lui. Il ne sait pourquoi, il a le vague espoir que de cet écran et de ce clavier viendront les réponses à ses angoisses. Chaque jour, pourtant, l'esprit encore plus désespérément vide que la veille, le corps étreint d'une douleur à peine masquée par son cocktail quotidien d'antalgique, il éteint la machine et reste là sans bouger, attendant que le jour décline et que la nuit l'enveloppe de ses bras protecteurs. Il sait bien qu'il ne pourra continuer ainsi à s'engluer dans cette non-existence qui, inexorablement, aura raison de ses dernières forces. Il serait si doux de se laisser glisser dans la paix de l'éternité, de mettre enfin un terme à toutes ses souffrances. Sauf qu'il n'y peut même pas songer. Il est inenvisageable de refuser cet ultime combat qu'il se doit de livrer jusqu'au bout. Il en a fait le serment. Il ne sait comment, mais il va lui falloir tenir. Il va lui falloir vivre malgré la douleur qui lui vrit le dos et cette autre qui lacère son âme, faisant de ses journées un calvaire. La seule paix qu'il connaisse est celle de la nuit avec cette voix si douce qui lui murmure des mots qu'il ne peut comprendre, mais qui sont le fil qui le rattache à l'espoir. Il avait pourtant été sur le point d'abandonner. À bout de force, il était prêt à se laisser glisser dans le néant. C'était, il en était certain, pour cette nuit-là, il allait fermer les yeux une dernière fois et enfin cesser de souffrir. Une froide nuit de février 2015, le 14 exactement. Il n'était pas encore minuit et alors que le sommeil le gagne, Jean ressent une indicible tristesse qui graduellement monte en lui sans qu'il puisse la repousser. Il fait des efforts désespérés pour sortir de cette torpeur qui l'englue et lentement devient douleur. La même douleur qui, 31 ans auparavant, lui broyait le cœur et au petit matin le laissait-elle une épave sur les bancs d'une station de métro déserte. Il n'y pourra survivre une autre fois. Nombre d'entre nous se sont déjà trouvés sur un lit d'hôpital, le corps taraudé par la souffrance. Il suffit d'un seul petit geste. L'infirmière ajuste le débit de la perfusion et presque dans l'instant tout s'apaise. Vous ressentez une douce sensation de chaleur dans votre bras. Elle irradie lentement et change l'insupportable en un bien-être dont vous ne voudriez ne plus jamais sortir. Vous baignez dans le calme, dans la paix de l'âme. Et c'est ce qui se passe pour Jean. Un chant étrange s'insinue en lui et pénètre chaque cellule de son corps. La douleur reflue, lentement remplacée par une onde de bonheur doux et profond. Il n'a pas à s'interroger, il sait. La banderie chante pour annoncer le départ de Nathalie. Nathalie vient de partir. Elle vient juste de quitter ce monde à la seconde même où le chagrin, puis ce chant et ce bonheur ont submergé Jean. Il n'a pas oublié cette voix douce et prenante. La voix de Katrina, la banderie qui a mêlé leur sang, recueilli leur serment et les a unis pour l'éternité. Elle avait psalmodié une prière aux dieux, puis dit les mots sacrés, ceux qui ont lié leurs âmes à jamais. La voix si réelle qu'elle paraît descendre du ciel lui chante que tout est en train de s'accomplir et l'entend distinctement son prénom, murmuré comme un appel. La banderie chante l'espoir. Elle dit que les voiliers du ciel viendront le chercher bientôt. Hold on! For the sailing ships for heaven won't be long. Tiens bon, car les voiliers du ciel ne tarderont pas. Il devrait être désespéré de savoir Nathalie partie. Il n'en est rien. Il est dans la paix du cœur, la paix de l'âme. La longue attente enfin va s'achever. La longue attente va s'achever et commencer celle plus terrible où il la sait toute proche, mais encore inaccessible. Pendant des jours, des mois, peut-être même des années, il va devoir résister à l'irrépressible envie, l'irrépressible besoin de la suivre, de la rejoindre, mais comme si elle le percevait, sa voix résonne en lui. juste avant qu'il ne se quitte, les yeux noyés de larmes, elle avait dit « Tu ne peux même y songer. N'oublie pas la prophétie de Katrina. Tu sais bien qu'au même instant, tout serait anéanti. » Depuis ce matin de février, chaque nuit est un moment de paix, et la voix qui murmure à son oreille éloigne la douleur pour quelques heures. Il ne comprend cependant pas ce qu'elle dit. Le chuchotement est bien trop ténu, tout comme l'est la trame du rêve étrange qui revient chaque fois au plus profond de son sommeil. Au matin, il peine à se souvenir de ce paysage vallonné aux contours incertains, où il devine parfois comme un léger frémissement. Il peine à s'en souvenir, d'autant qu'à l'instant où il s'éveille, la douleur est de nouveau là, prégnante, s'intensifiant au fil des heures. Les mois passent et personne parmi ses proches ne soupçonne sa souffrance. Il a toujours réussi à donner le change et cette comédie quotidienne consume le peu d'énergie qui lui reste. Il ne pourra durer ainsi très longtemps. Il va lui falloir trouver un médecin ou n'importe qui d'autre capable de l'aider à vaincre les démons qui broient son dos afin qu'il puisse continuer à écouter la voix. Si seulement il pouvait dormir encore et encore. Ce murmure dans son sommeil lui fait tant de bien. Il lui faut à tout prix construire un chemin d'espoir pour vivre les dernières années qui lui restent comme un commencement, non comme une fin. Il sait très bien qu'à son âge, après avoir presque tout raté, il ne lui reste qu'à durer. Ce qu'il ne sait pas, c'est que quelque part son autre vie a déjà commencé et que son amour de toujours l'attend là, tout près. Bien sûr, il lui fallait expier le manquement au serment fait à Nathalie pour Andrea et les enfants, mais il ne pensait pas que cela serait si long, si douloureux. À deux reprises, il n'était pas passé loin de la destruction. Compte tenu de sa fragilité, il ne pouvait en être autrement. Trop d'empathie, trop de compassion, ajouté un sens du devoir confinant à la culpabilisation, ne pouvait avoir d'autres conséquences. Il existait une seule femme en ce monde, avec qui il pouvait partager cette sensibilité, cette douceur, cette fusion des âmes et des corps, qui font que deux êtres ne sont plus qu'un. Maintenant que l'épreuve s'achève, le vieil homme doit rassembler ses dernières forces pour franchir les marches qui mènent au passage. Pour compenser sa solitude, il se drogue avec tout ce que la littérature et la télévision peuvent produire d'histoires sentimentales. Lui qui autrefois ironisait sur la nullité des romans d'amour, vit par procuration ce qui lui reste de vie. C'est le seul moyen qu'il ait trouvé pour ne pas en finir avec cette réalité. Aujourd'hui pourtant, son corps le lâche et la douleur physique est tellement insupportable qu'il va détruire toute possibilité d'accéder au refuge quotidien de ses rêves avec ce doux murmure qu'il retient au bord du désespoir. D'autant que ce matin, dans le chuchotement qui accompagne ses nuits, il y a eu des mots, une phrase. Dans l'instant, il ne la reconnaît ni ne la comprend. Puis, avec le murmure de la voix, viennent les images. Toujours floues, mais suffisamment lumineuses pour qu'il puisse distinguer d'immenses prairies et les cerisiers en fleurs dans la fraîcheur du petit jour. Sans qu'il le sache, son destin a atteint un point d'équilibre, l'instant où tout est immobile, l'instant où tout peut commencer, la seconde où ce qui devait être est ou ne sera jamais. Comme la veille, il est devant son écran blanc et un fait banal se produit. Un crayon tombe. Dans le geste qu'il fait pour le ramasser, son fauteuil pivote et il se retrouve face à son propre reflet qui le regarde dans le grand miroir des portes coulissantes de l'armoire placée juste derrière lui. Dans le miroir, l'homme assis dans ce fauteuil lui paraît fatigué. Non de cette fatigue qui pèse sur le corps et l'esprit au fur et à mesure que la journée déroule ses heures, mais de cette lassitude qui vous étreint lorsque plus rien n'a d'intérêt, pas plus leur passé que c'est l'avenir. Sa silhouette voûtée, tassée dans le fauteuil à haut dossier, est celle d'un homme de 70 ans, peut-être 75. Il devait être grand, mais ne l'est plus vraiment, et ce qui l'a écrasé n'est pas le poids du temps. En fait, il est comme vide de l'intérieur. Malgré l'arrondi du ventre, il paraît mince. Tels ces enfants dénutris croisés autrefois au hasard des pistes du Sahel, avec leurs membres grêles, leurs ventres ronds. Ce qui frappe surtout, c'est qu'il a leur regard, un regard sans vie, le regard de ceux qui sont déjà loin de ce monde. La monture dorée de ses lunettes ne parvient pas à éclairer un visage dont les rides d'expression, davantage que celles des années, marquent de profonds sillons. un t-shirt noir délavé, un vieux jean usé, la barbe blanche courte, mal taillée, et le haut du crâne dégarni. Ce qui reste de ses cheveux blancs ainsi que sa paupière inférieure droite affaissée accentue, s'il était encore possible, cette impression générale d'abandon. Il se regarde un instant étonné, puis, lentement, pour reprendre ses repères, tourne la tête vers la fenêtre sans très bien comprendre ce qui se passe et sans rien soupçonner du moment qui va éclore. C'est la seule fenêtre qui éclaire la petite pièce. Elle est grande ouverte et donne sur la partie du jardin plantée de lauriers. Parmi la verdure, la lumière de cette fin d'après-midi allume le rose et le rouge des lourdes grappes de fleurs qu'une légère brise parvient tout juste à agiter. Un pan de ciel bleu, le chant de deux ou trois cigales et le gazouillis d'un oiseau qui s'éloigne puis revient. Pas très loin, atténué, presque inaudible, la conversation de deux voisins qui profitent de cette belle fin de journée et les éclats de voix d'enfants qui se chamaillent. Tout est si parfait que c'en est presque douloureux. Tant de paix à quelques pas. Il suffirait de tendre la main pour la toucher et chasser très loin la tristesse qui imprègne les lieux. Son regard revient au mur clair auquel sont accrochées quelques photos. L'autre pan est occupé par l'immense armoire à porte-miroir coulissante où il peut voir la pièce se refléter avec le vieil homme assis à son bureau. Au-dessus du bureau, une étagère avec quelques livres sur des guerres oubliées. Dans le fauteuil, le vieil homme le regarde toujours, les yeux mi-clos. Il ne parle pas et il a le sentiment qu'il peut rester ainsi de longues heures, sans bouger ni un cil, ni un membre. Il ressent l'impression confuse que quelque chose d'important va se produire. Deux larmes perlent à ses paupières et roulent dans sa courte barbe. L'homme demeure ainsi quelques minutes. Il a l'air plus brisé que jamais. Aussi est-il surprenant de voir son corps se redresser lentement. Il ouvre doucement les yeux et son regard s'éclaire tandis que l'espace d'un court instant un léger sourire efface ses rides et ses larmes. Cet instant est précieux, fragile. Il suffirait que les feuilles des acacias cessent de bruire sous la brise. Il suffirait d'un nuage, il suffirait d'un rien pour qu'il se mure à nouveau dans sa détresse. Il n'en a pas conscience, mais le combat vers la vie vient de commencer. Il lève les mains posées à plat sur ses genoux, ôte ses lunettes de la main gauche et se masse le haut du nez entre le pouce et l'index. Le geste lui est familier. Il le fait souvent au cours des heures qui passent. Lorsqu'il les remet et qu'il ouvre les yeux, il observe que son regard a changé, comme si cette vie qui semblait l'avoir désertée revenait en un seul flash. Le léger sourire qui persiste encore disperse ses derniers doutes. Ce moment est un commencement. Il regarde le vieil homme dans le miroir. Non, tu ne vas pas abandonner. Tu as connu le temps de la mort. Le temps de la guerre, celui de l'illusion et du désespoir, enfin le temps de la résignation. Laisse revenir le temps de la vie, revenir le temps de l'amour. Sans une hésitation et sans trembler, sa main déformée par l'arthrose se pose sur le téléphone. D'un geste précis, il compose un numéro. Bien que légèrement voilé, sa voix est ferme, assurée. Bonjour. Je souhaiterais un rendez-vous avec le docteur Gresso. « Aussitôt que possible. »« Oui. »« Rine. Jean Rine. »« Demain. »« 10 heures. »« Très bien. »« C'est noté. »« À demain. »« Au revoir, madame. » La consultation avec son médecin aboutit à une prescription de 15 séances de kiné censée venir à bout de son problème dorsal. Pour l'avoir déjà expérimenté sans succès, Jean est plus que sceptique quant à l'efficacité de la prescription. Il se rend néanmoins scrupuleusement à chacun des rendez-vous. Comme il l'avait pressenti, l'amélioration sensible au départ ne perdure pas plus d'une semaine après la dernière séance. Le répit a été de courte durée. La douleur est de nouveau là, plus forte que jamais. L'espoir n'aura pas survécu longtemps et rien ne semble capable d'atténuer cette insupportable souffrance, hormis les antalgiques dont il a recommencé à se gaver et qui, inexorablement, finiront par faire de lui un pantin décérébré. Il se souvient du saut qui faillit lui être fatal, le parachute en torche, la chute dans la nuit noire, l'extraction du ventral et son réveil à l'hôpital. Il n'avait pas 20 ans. C'est peu avant son 70e anniversaire que la gêne avec laquelle il vivait depuis des décennies s'est graduellement muée en une douleur tenace. La torture est vite devenue insupportable, et bien qu'il ait toujours mis un point d'honneur à ne jamais se plaindre, il a fini par se décider à consulter. Le généraliste et un rhumatologue ne lui ont rien appris qu'il ne savait déjà. 5 vertèbres fissurées et une colonne vertébrale ravagée par l'arthrose. Comme aujourd'hui, les séances de kiné ne lui ont apporté qu'un soulagement éphémère, et il ne compte plus les nuits blanches et les journées grises dans un état de semi-conscience dont les doses antalgiques augmentent chaque mois. Cependant, à la différence du précédent, son nouveau médecin n'a pas baissé les bras et son obstination a fini par payer. Ce matin, l'espoir renaît. Un appel du docteur Gressot l'informe qu'un confrère qui s'est installé sur Anduze l'année dernière semble capable de proposer un traitement efficace. Il s'agit d'un médecin britannique qui, outre la psychiatrie, utilise l'acupuncture et l'hypnose dans le traitement des douleurs chroniques et qui obtient incontestablement de bons résultats. Vu l'urgence, un premier rendez-vous a été obtenu pour le surlendemain. Le cabinet se situe dans une des maisons que l'on aperçoit sur les hauteurs d'Anduze, dans la boucle du Gardon qui contourne la ville. Pour être capable de conduire, il faudra de la veille suspendre la prise des antalgiques. Cela promet d'être l'enfer pendant 24 heures. Mais il est prêt à affronter le diable lui-même pour que cesse enfin cette douleur qui lui vrille le dos. 20 minutes avant le rendez-vous, Jean se met au volant de sa vieille Renault. Pour ne pas hurler, il va conduire en fusionnant mentalement l'axe de son dos et celui de la route. Comme il l'a toujours été tout au long de sa vie, Jean est pile à l'heure. Le cabinet est installé dans une petite villa récente au fond d'une impasse, desservant un groupe de 4 maisons, et seule la plaque apposée sur le mur près du portail la distingue de ses voisines. Docteur Lassia Rampa, psychiatre, hypnothérapie, acupuncture. Comme le lui enjoint le petit panneau apposé sous la plaque, il sonne et n'attend pas plus d'une minute avant que la porte ne s'ouvre. Une grande jeune femme brune et mince de type asiatique l'accueille en s'inclinant légèrement. « Bonjour madame, Jean Rine, j'ai rendez-vous avec le docteur Rampa. » Un léger sourire. « Bonjour monsieur Rine, je suis le docteur Lassia Rampa. Entrez, je vous prie. » Incontestablement féminine, la voix est cependant étrangement feutrée. L'accent à peine perceptible, la blouse blanche, les minces lunettes à monture acier et les cheveux coiffés en une austère queue de cheval ne parviennent pas à lui donner l'air sévère, tant ses yeux noirs respirent la douceur. Elle s'efface pour laisser entrer Jean à peine remis de sa surprise. « À votre droite, s'il vous plaît. Comment va votre dos ?»« J'ai connu des jours meilleurs. » Il traverse une petite salle d'attente, juste 4 chaises, la classique table basse sans aucun magazine, et sous la fenêtre, une console avec un vase garni de 3 lys blancs. Sur un mur, le dessin à l'encre de Chine d'un paysage de collines. Le cabinet dont il franchit la porte est aménagé sobrement. Un bureau très simple de style empire avec un dessus de cuir vert foncé, sans même un écran d'ordinateur. Posé au centre du meuble à un cahier à spirale et un stylo mine à côté d'un téléphone portable, à première vue, du dernier modèle, modernité qui tranche avec le caractère intemporel de la pièce. Un fauteuil de bureau classique et derrière, accroché au mur, un lecteur de radiographie. Sur le côté, un grand fauteuil de relaxation sans doute destiné aux consultations de psychiatrie. Au fond, séparé du bureau, proprement dit par une demi-cloison, une petite salle avec ce qui semble être une table d'examen et un meuble vitré aux étagères garnies de boîtes et de flacons divers. Le docteur Rampa prend place et l'invite à s'asseoir en face d'elle. Elle se tient très droite dans son fauteuil, ses mains posées l'une sur l'autre, à plat sur le bureau. On ne peut pas dire qu'elle soit jolie, mais il se dégage d'elle une beauté surprenante. Le visage un peu plat, aux pommettes saillantes, est littéralement mangé par 2 grands yeux noirs, au regard infiniment doux, dans lequel se devine une immense sagesse. Elle ne sourit pas vraiment, mais son visage lumineux irradie une étrange force intérieure. Tout au long de sa vie, tant en Afrique qu'en Europe, le vieil homme a rencontré nombre de personnages peu communs. Il a eu à regarder en face la haine, la jalousie, la colère, et bien d'autres aspects, pas toujours très reluisants de la personne humaine. C'était parfois son propre reflet dans un miroir. Hormis chez celle qu'il a tant aimée, Jamais il ne lui a été donné de croiser un regard où soient réunies générosité, compassion et infinie bonté. Il en est extrêmement troublé, au point d'en chercher ses mots, alors qu'il tente d'expliquer le motif de sa consultation. « Bien, je viens... je suis... » Il est sûr qu'elle a souri alors même que son expression n'a pas changé. En fait, le sourire est dans son regard. Elle lui demande « Auriez-vous une carte vitale ?» Il déglutit péniblement comme un collégien que son prof de maths vient d'appeler au tableau. Lui qui a souvent eu à prendre la parole en public et était reconnu pour son sens de l'improvisation est tout à coup frappé de mutisme. C'est donc sans un mot qu'avec sa carte vitale, il lui tend la pochette de ses radiographies. Lorsqu'elle l'ouvre pour les en extraire, il ne peut s'empêcher de remarquer les longs doigts fuselés aux ongles courts parfaitement manucurés. Les radios qu'elle insère dans le lecteur d'un geste précis révèlent vite l'étendue du désastre. Quand elle se retourne vers son patient, le visage impassible du docteur Rampa ne laisse rien paraître. « Je vais vous examiner. Pourriez-vous passer à côté et ôter votre chemise, s'il vous plaît ? Est-ce indispensable ? » La question est stupide, mais le docteur Rampa semble ne pas le remarquer. « Quelque chose vous gêne-t-il ? » La réponse pourrait être déconcertante pour un médecin. « Pardonnez-moi, mais à mon âge, mon corps n'est que ruine, et j'ai un peu honte de vous infliger un tel spectacle. » Le docteur Rampa ne semble pas déconcerté. « Comme vous le dites si justement, je suis médecin. Pour moi, aucun corps n'est laid, seulement les âmes le sont parfois. » Une hésitation, puis il se lève, passe dans la pièce à côté, enlève rapidement son blouson, sa chemise, et va s'étendre à plat ventre sur la table de consultation. Il a tant de fois déjà subi cet examen. Les doigts du docteur Rampa sont précis et identifient très vite les vertèbres malades. Quelques palpations et un bref aller-retour de contrôle au lecteur de radio, puis penché au-dessus de lui, elle lui dit « Vous devez effectivement beaucoup souffrir. Les muscles de votre dos sont complètement tétanisés, et la douleur de la tétanisation musculaire amplifie celle d'origine osseuse. Je vous propose une séance d'acupuncture immédiate pour vous soulager, et ensuite nous retrouver dans 2 jours, afin de commencer le traitement proprement dit, que j'estime devoir durer 2 mois, peut-être 3, à raison de 2 séances par semaine. Nous y intégrerons l'hypnose, si bien sûr vous en êtes d'accord. Je pense aussi qu'il sera nécessaire d'alterner quelques séances de kiné, au moins pour le premier mois. » Elle s'est exprimée dans un français parfait, et ne serait-ce son accent léger, il serait impossible sans voir son visage de déceler son origine tibétaine. Il accepte sans hésiter, et le docteur Rampa commence à le traiter aussitôt avec une série d'aiguilles posées pour la plupart dans le haut du dos, certaines curieusement sur le lobe des oreilles. La douleur reflue d'abord lentement, puis, en quelques minutes, disparaît totalement au point qu'il se demande s'il n'a jamais eu mal. La thérapeute lui explique que cet effet apaisant ne durera pas plus de 2 jours et qu'il faudra une bonne dizaine de séances pour espérer obtenir un résultat durable. Lorsqu'il prend congé, la poignée de main du docteur Rampa le conforte dans ce qu'il sait déjà. Cette femme venue de si loin est celle qui va le guérir, celle qui va le sauver. Il est encore loin d'imaginer à quel point. 2 jours plus tard, il arrive un peu en avance et le sourire énigmatique du docteur Rampa s'éclaire davantage lorsqu'il lui explique que chaque après-midi de ces 2 derniers jours, il est parti marcher dans les collines. La séance d'acupuncture identique à celle du premier rendez-vous précède celle d'hypnose pour laquelle il a tout de même une petite appréhension. Il est toujours allongé sur la table de consultation, mais sur le dos cette fois, et le docteur Rampa se place debout à sa gauche au niveau de son épaule. « Détendez-vous, tout va bien se passer. » Elle prend la main gauche de Jean dans la sienne, et de l'autre appuie légèrement son pouce au milieu du front de son patient. Ses lèvres sont totalement closes, et c'est de sa poitrine et de sa gorge que monte une lente psalmodie. La voix est si grave qu'elle surprend venant d'un corps si mince. On dirait presque qu'elle émet des infrasons. Graduellement, la voix devient un murmure qui emplit la tête puis tout le corps de Jean dont chacun des muscles se relâche complètement. Pendant plus de 10 minutes, penché sur lui, la scie à Rampa, les yeux clos, ne cesse de lui masser le front d'un petit geste circulaire en psalmodiant la même incantation. Puis, doucement, la voix diminue, s'interrompt, et la main qui le massait entre les yeux lui donne une légère tape sur l'épaule. Cette tape agite à la déclic, et Jean émerge doucement comme d'un long sommeil. « Comment vous sentez-vous ? » Jean semble avoir un peu de mal à parler. Il se sent si bien. Il y a longtemps qu'il a été si bien. Un peu engourdi. J'ai fait un rêve étrange. C'était un peu comme une vidéo en accéléré. C'est tout à fait normal pour une première fois. Qu'est-ce qui est normal, le fait que je sois engourdi ou que j'ai fait un rêve en accéléré ? Les deux, monsieur Rine, les deux. Et bonne nouvelle, vous êtes un excellent sujet pour une thérapie par l'hypnose. Le sourire du docteur Rampa le rassure. Restez allongé, le temps de reprendre vos esprits. Elle va le laisser se détendre pendant 5 bonnes minutes, tandis qu'assise à son bureau, d'une étrange écriture hiéroglyphique, elle prend quelques notes. Elle le reconduit ensuite jusqu'à la porte de son cabinet. À vendredi, et surtout n'oubliez pas, videz-vous l'esprit. Ne pensez ni à votre dos ni à notre prochaine séance. Ne pensez qu'à faire ce dont vous avez envie dans l'instant. Lire, marcher. Jean a suivi son conseil, d'autant plus facilement qu'il lui semble être devenu quelqu'un d'autre. Que la douleur soit physique ou morale, elle change un individu et fait du plus sociable et du plus gai un être replié sur lui-même. Sa douleur dans le haut du dos a presque disparu, et s'il peut comprendre la raison de son entrain, il a par contre du mal à s'expliquer par quel phénomène les plaies de son âme ne le font plus souffrir alors même qu'il les sent toujours aussi béantes. Le docteur Rampa serait-elle bien autre chose qu'un médecin ? Le rendez-vous du vendredi suivant se déroule selon le même scénario, sauf que cette fois, avant de prendre congé, le docteur Rampa lui demande de s'asseoir à son bureau, face à elle. « Je suis très satisfaite de ce début, et pour tout vous dire, un peu surprise. Cette technique produit d'ordinaire de bons résultats, mais je n'avais encore jamais vu de tels progrès dès la 3e séance. Je vais donc me permettre de vous poser quelques questions. Êtes-vous disposé à y répondre ? Sans aucun problème, docteur. Bien. Ces questions portent essentiellement sur la nature de vos visions lorsque vous êtes sous hypnose. Première question. Avez-vous noté un changement par rapport à la séance pendant laquelle vos visions se déroulaient si vite qu'elles vous paraissaient être un film en accéléré ? Oui, docteur, un changement très net. La vision d'abord floue s'est très vite précisée. Et j'ai immédiatement fait la corrélation avec les rêves qui reviennent chaque nuit depuis quelques mois. J'ai nettement distingué des vallons, des cerisiers en fleurs, un ciel d'azur avec quelques nuages, et tout au fond, vers l'horizon, un mur très haut avec ce qui me semble être de gigantesques portes à intervalles réguliers. Malgré son impassibilité coutumière, le docteur Rampa paraît troublé. Elle prend quelques notes sur son petit cahier et poursuit. Vous dites que cette vision correspond à des rêves que vous feriez depuis quelques mois. C'est ça. Les rêves sont flous alors que là, la vision était nette. Autre chose d'important. Dans mes rêves, j'entends une voix chuchoter dans ma tête et là, j'ai entendu la même chose et beaucoup plus nette. Même si je ne l'identifie pas et ne comprends toujours pas ce qu'elle dit, je suis maintenant certain que c'est une voix féminine. Le stylo du docteur court sur son bloc. Vous êtes certain que c'est une voix féminine ? Absolument certain. Bien. Avez-vous l'impression qu'elle parle une langue étrangère ? Non, il y a même une fois où j'ai même compris les mots qu'elle murmurait. Ce n'était pas très audible, mais suffisamment pour que je comprenne ce qu'elle disait. Ah bon ? Et que disait-elle ? Très précisément, un commencement est un moment d'une délicatesse extrême. C'est mot pour mot la phrase dont l'amour de ma vie avait fait un mantra. Pourquoi ces mots ? Pourquoi maintenant ? Est-ce elle qui me parle ? Tournant nerveusement le stylo mine entre ses doigts, le docteur Rampa manifeste clairement son trouble pour la première fois. Elle rectifie sa position et poursuit. « Vous reconnaissez donc la voix d'une femme que vous avez beaucoup aimée ?»« Je n'ai pas dit que je reconnaissais sa voix, seulement la phrase que la voix a dite. »« C'est néanmoins très intéressant. » Deuxième question. « Avez-vous perçu cette vision comme quelque chose d'apaisant, de troublant ou d'angoissant ?»« Sans hésitation aucune, apaisant, oui ?» C'est cela. Je dirais que cette voix me fait du bien. Je suis certain qu'elle m'a aidé à surmonter problèmes et douleurs. Sans cette voix, je crois que je n'aurais pas tenu. Tout en notant, le docteur Rampa esquisse un sourire. Parfait. C'est important et je l'ai noté. Troisième question. Avez-vous perçu un mouvement dans le paysage que vous m'avez décrit ? Jean est intrigué. Un mouvement ? Non, à part le balancement des branches des cerisiers et les ondulations de la prairie sous la brise, je n'ai rien noté d'autre. Très bien. Ce qui est important, c'est de savoir que, comme dans vos rêves, votre vision hypnotique n'est pas figée. La Siarompa prend quelques notes, réfléchit un bref instant, puis se lève. Bien. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un bon week-end et de vous détendre au maximum. On se voit mardi. Sur le pas de la porte, Jean a une hésitation. Dois-je m'inquiéter de ces visions hypnotiques, d'autant qu'elles correspondent à un rêve récurrent? Pas du tout. Très peu de gens ont ce genre de vision, mais elles n'ont strictement rien d'inquiétant. Dans un geste rassurant, elle prend la main du vieil homme entre les siennes. Elles sont fraîches et douces, et leur contact est si apaisant qu'il voudrait rester là, comme ça, et ne plus bouger. Soyez tranquille, monsieur Rin, tout va bien. Tout va même très bien. Vous faites des progrès considérables et surtout très rapides. Vous avez tout lieu de vous en réjouir, donc ne vous inquiétez surtout pas. Profitez de ce week-end pour vous vider la tête. Il va faire un temps splendide, idéal pour une randonnée. C'est l'occasion. À mardi. La messagère est apparue la veille et lorsque Jean sonne à la porte du cabinet du docteur Rampa, il est dans un état d'agitation extrême. Il n'a guère dormi de la nuit. La porte s'ouvre et à la seconde, le docteur Rampa se rend compte que quelque chose ne va pas. Les mains de Jean tremblent. S'il en est troublé, elle ne le montre pas. Le visage toujours aussi impassible qu'à l'ordinaire, elle s'efface pour le laisser entrer. « Bonjour, monsieur Rin. Entrez, je vous prie. » Lui, d'ordinaire si courtois, en particulier avec les dames, grommelle un « Bonjour, docteur », à peine audible. Aussitôt entrée dans le cabinet, elle le fait asseoir dans le grand fauteuil de relaxation, prend une chaise et s'assied près de lui. « Quelque chose ne va pas? Votre dos ?» Ces simples questions ont pour effet d'augmenter l'état d'agitation de Jean. Il tente de répondre, mais ne peut que bafouiller une suite de mots sans queue ni tête. « La messagère, docteur. Je suis sûr que c'est la messagère. Elle est venue. La bande rouille l'avait dit. Et elle est venue. » Le docteur Rampa ne réagit pas, du moins en apparence. Elle se contente de prendre la main de son patient. Un observateur attentif noterait que l'amplitude de sa respiration a augmenté et qu'à contrario, sa cadence a ralenti. Le plus extraordinaire étant que, par un étonnant effet miroir, celle de Jean adopte les mêmes constantes. Il ne s'est rendu compte de rien, mais il vient de se calmer en moins d'une minute. Jean cligne des yeux, tout saute, il a le visage fatigué, les traits tirés et de larges cernes. Avec son pouce, le docteur Rampa masse l'intérieur du poignet de son patient. « Donc, ce n'est pas votre dos? De quoi s'agit-il ? » Il baisse la tête un instant et lorsqu'il la relève, ses yeux sont mouillés de larmes. « Non, docteur, ce n'est pas mon dos. C'est autre chose, de bien plus douloureux. Mais c'est une trop longue histoire, et je ne voudrais pas abuser de votre temps. » Le docteur Rampa tient toujours sa main, et lorsqu'elle parle, j'en jurerais que sa voix a baissé d'un demi-ton. « Quelle que soit votre souffrance, je me dois de la soulager, et mon temps appartient à mes patients. Nous pouvons donc prendre tout le temps nécessaire. Si vous souhaitez parler, je vous écoute. » Jean s'agite un instant sur son fauteuil puis prend une profonde inspiration. « Je vais essayer d'être succinct, mais c'est un peu compliqué et je ne sais pas par où commencer. » Le docteur Rampa aurait-elle souri? « Par le début, de préférence. » Là, pour le compte, c'est Jean qui sourit. Il s'éclaircit la voix. Voilà, c'était il y a maintenant plus de 30 ans, en 1984 pour être précis. Mon premier mariage était un véritable naufrage et cela durait depuis 18 ans. Alors que je touchais le fond, j'ai croisé le chemin d'une femme exceptionnelle. Le docteur Rampa l'interrompt un instant. Était-ce la personne que vous évoquiez lors de notre dernière consultation? Exactement. Et dès l'instant où nous nous sommes regardés, il y a eu comme un ancrage. Un ancrage? Vous voulez dire un coup de foudre? Non, docteur, bien plus que ça. Je dirais un phénomène fusionnel. Ça s'est produit dès la première seconde de notre rencontre. Elle s'appelait Nathalie, une Américaine d'origine irlandaise. Le docteur Rampa lâche la main de Jean, se lève, contourne son bureau et s'assied. Vous vous permettez que je prenne des notes? Elle ouvre le cahier à spirale posé devant elle, prend le stylo mine et pendant une petite minute, retranscrit ce que le vieil homme vient de lui confier. Pardon pour l'interruption, je vous écoute. Jean toussote. Bien, je vais aller à l'essentiel. En août 1984, nous partons passer 10 jours en Irlande, terre de ses ancêtres, où elle me propose d'accomplir un rituel qui nous unira pour la vie. La mandruille à qui Nathalie a demandé de célébrer le rituel. Ah oui. Une mandruille est une... Il se trouve que je sais ce qu'est une mandruille. Ah, bien. À la fin de la célébration du rituel, la mandruille prononce ces paroles sibyllines. La messagère viendra et la porte s'ouvrira. Et... C'est le même flot d'émotions qu'au début de la consultation. Jean est littéralement submergé au point de ne plus pouvoir parler. Le docteur Ampa revient s'asseoir près de lui et le pouvoir des mains magiques opère à nouveau. Les tremblements s'atténuent puis disparaissent et sa respiration se calque sur celle de sa thérapeute. Doucement, Jean revient au calme. Ce que je voulais vous dire, c'est que la messagère est venue hier soir. Enfin, elle n'est pas venue en personne, c'était sur l'écran de mon ordinateur. Le vieil homme ferme les yeux comme si ce geste lui permettait de revoir la scène. Lorsqu'il les ouvre à nouveau, il y a une ébauche de sourire sur son visage ridé. Voilà. J'étais en train de regarder quelques clips de chansons et de musique country, et j'avoue que je somnolais un peu lorsque tout à coup Nathalie a été là. Elle était là, sur l'écran, et elle chantait. C'était un choc terrible. Celle-même que je n'avais jamais pu oublier était là, pleine de vie, souriante comme 30 ans auparavant. Elle était revenue, j'en étais certain. Une voix a hurlé dans ma tête. « Ce n'est pas Nathalie. Elle aura plus de 65 ans. Cette femme en a 30. Ce n'est pas Nathalie, c'est un sosie. » J'entendais la voix dans ma tête. Je comprenais ce qu'elle disait. Mais mes yeux et mes oreilles voyaient et entendaient le contraire. Comment une ressemblance aussi parfaite était-elle possible? Une citation de Conan Doyle m'est alors revenue en mémoire. « Lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, aussi improbable soit-il, est nécessairement la vérité. » Et la vérité s'est imposée, là, sur l'écran. C'était la messagère. Elle chantait pour me dire que la porte était ouverte et que Nathalie m'attendait. Jean parait à bout de souffle. « Vous comprenez, docteur, c'était la messagère, telle que la mandruille l'avait prédit. Mon Dieu, c'était si long. J'ai tant douté. » Les yeux du docteur Ampa sont pleins d'une tranquille certitude lorsqu'elle s'adresse à Jean. « Vous dites que Nathalie vous attend. Savez-vous la retrouver? Avez-vous un moyen de la contacter ?» Les yeux de Jean se mouillent de larmes. « Nathalie est décédée. C'était il y a quelques mois, la nuit du 14 février, la nuit de la Saint-Valentin. Une date impossible à oublier. Comment avez-vous appris son décès ?» Pourquoi Rin a-t-il l'impression que le docteur Ampa connaît déjà la réponse à la question qu'elle pose? Je venais justement de me coucher, et alors que le sommeil commençait à me gagner, je l'ai ressenti tout au fond de moi. J'ai su qu'elle était partie. Le vieil homme s'interrompt un instant, déglutit péniblement. Il a comme un sanglot, puis se reprenant. C'est depuis ce soir-là que les rêves ont commencé, et quelques mois plus tard, la messagère vient me dire que la porte est ouverte et... que Nathalie, mon amour de toujours, m'attend. » Il dévisage le docteur Ampa, cherchant désespérément sur ce visage impassible un signe d'acceptation de son récit. « Vous devez me prendre pour un fou. » La sœur Ampa sourit. « Vous êtes tous sauf fous. Et ce qui vient de se passer éclaire encore davantage le chemin que je dois prendre avec vous. Ne soyez pas inquiets. Ce ne sera certainement pas facile, et viendront les jours où vous douterez. Mais gardez surtout l'esprit que je serai toujours près de vous. » À raison de 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi, les séances vont se succéder. C'est chaque fois le même rituel. Acupuncture, hypnose et petite séance de questions sur les visions sous hypnose. Tout comme les rêves de chaque nuit, les visions ne varient pas. Toujours les mêmes prairies vallonnées pleines de fleurs, les feuilles des arbres qui frémissent sous la brise, et la voix si douce qui murmure et chuchote des mots si tendres, si apaisants, même s'il ne les comprend pas. Ce qui a changé, par contre, c'est que Jean est métamorphosé. Bien sûr, il n'a pas rajeuni pour autant, mais la douleur de son dos et surtout son désespoir ne semble plus qu'un lointain souvenir. Il se sent plus alerte, plus vif. Le cahier du docteur Ampa est pour moitié rempli de notes. Les observations de chaque séance y sont méticuleusement consignées. La Siarampa a absolument tout noté en tibétain, en écriture oumé, ce qui garantit leur confidentialité. C'est l'avant-dernier rendez-vous. Le docteur Rampa l'accueille puis le précède dans son cabinet. Elle le fait asseoir à son bureau en face d'elle. « Bonjour, monsieur Rin. Il semblerait que tout aille pour le mieux. »« Sans aucun doute, docteur. J'en suis même à me demander la raison pour laquelle je vous ai consulté. » C'est la première fois qu'il entend le rire de cette femme d'ordinaire si énigmatique. Un rire très discret, certes, mais un rire tout de même. Vous avez même retrouvé le sens de l'humour, grâce à vous, docteur, et je vous en suis infiniment reconnaissant. À dire vrai, je n'arrive pas à y croire. J'ai parfois peur que ce ne soit qu'un rêve et que le réveil soit plus que difficile. Le docteur Rampa réfléchit un instant. Dans presque tous les cas, c'est l'esprit qui est malade. Le corps, lui, se comporte comme un avertisseur. Non pas que votre corps n'ait pas subi de traumatisme, le contraire est évident. Mais je dirais qu'il lui est impossible de se réparer, car les fêlures de vos vertèbres ne sont sans doute rien comparées à celles de votre âme. Avec les rêves que vous faites chaque nuit, vous avez vous-même entamé un processus de guérison psychique. Je ne fais que le canaliser. Un rapide coup d'œil sur ces notes, puis... Nous consacrerons la prochaine et dernière séance à la méditation et à l'auto-hypnose. Hormis le fait qu'il n'y aura plus d'acupuncture et que je vous demanderai de prendre vous-même les notes dont je me charge d'habitude, cela ne changera pas grand-chose et surtout, pas le fait que dorénavant vous ne souffrirez plus. Gardez précieusement vos notes, elles seront très utiles et vous permettront de progresser. La demi-heure qui suit va être consacrée à l'apprentissage des techniques de respiration indispensables à la méditation profonde, le palier qui précède la phase d'auto-hypnose. Les exercices de respiration maîtrisés, la Siarampa explique rapidement comment entrer en méditation profonde par la visualisation intérieure de chaque partie de son corps. Elle observe que Jean a l'air un peu perdu. Pas d'inquiétude. Aujourd'hui, nous nous contenterons de l'approche théorique. Un temps pour s'assurer que son patient est de nouveau concentré, elle reprend ses explications. Une fois la visualisation de votre corps acquise, vous serez en état de méditation profonde et la phase d'autosuggestion qui conduit à l'hypnose pourra commencer. À la simple idée de pouvoir se mettre lui-même en état d'hypnose, Jean est tout à la fois excité et angoissé. Un sourire et le docteur Rampa poursuit. Vous commencerez par une inspiration profonde pendant laquelle vous générerez mentalement le premier nombre d'un décompte dégressif de 9 à 0. En expirant lentement, vous maintiendrez mentalement ce nombre, puis vous le ferez disparaître en reprenant une profonde inspiration qui générera le suivant, et ainsi de suite. À la fin du décompte, lorsque le zéro disparaîtra, vous serez en état d'hypnose. Vous verrez, c'est très simple. Jean cligne des yeux à plusieurs reprises. Êtes-vous bien sûr que je suis en état de veille? Parce que là, vous voyez, j'ai carrément l'impression de flotter. Le docteur Rampa se lève avec un sourire. Ce sera sans doute le cas vendredi quand vous reviendrez au conscient. Mais ne vous inquiétez surtout pas, vous aurez largement le temps de récupérer avant de partir. Sur le seuil, sa poignée de main est rassurante. À vendredi, monsieur Rin. Bonne soirée. Le vendredi arrive très vite et comme prévu, la séance débute par l'auto-hypnose suivant le schéma exposé par le docteur Rampa le mardi précédent. Jean a indiscutablement des prédispositions et de la respiration à la méditation profonde, il assimile rapidement la technique. Après une demi-heure, il parvient à enclencher lui-même le processus hypnotique qu'il maîtrise jusqu'à la phase de réveil. 10 minutes et il émerge de sa transe, mais ne semble pas aussi détendu qu'à l'accoutumée. Il s'agite même en essayant de se relever. Le docteur Rampa lui tient fermement les mains. « Doucement, calmez-vous. Respirez lentement, profondément. Bien, comme ça. » Jean revient au calme lentement. « Expliquez-moi ce qui se passe. Avez-vous noté un changement par rapport aux autres séances ?»« Oui, docteur. En fait, c'est ma vision qui a changé, mais je ne l'ai pas remarqué tout de suite. C'était d'abord un peu confus. » Même à travers son masque d'impassibilité, le docteur Rampa ne peut cacher son émotion. Toutefois, l'expression est si fugace que Jean ne l'aperçoit pas. « Bien. Et en quoi consiste ce changement ?» Il s'est un peu calmé. « En fait, ce sont les portes dans la muraille à l'horizon. Au début, tout était comme d'habitude, mais au bout de quelques instants, il m'a semblé m'être rapproché, et de l'une d'elles en particulier, comme si elle exerçait sur moi une espèce d'attraction. Pour la première fois, j'ai pu en distinguer les détails, enfin, si l'on peut dire. Le docteur Rampa, un sourcil levé, est très attentive. Pouvez-vous être plus précis ? Jean toussote pour s'éclaircir la voix. C'est difficile. En fait, la porte, du moins celle-là, n'a pas de battant. Une voûte romane et deux piliers qui encadrent un bloc de je ne sais quelle matière d'un noir absolu. De temps à autre, un trait de lumière fugace comme une étoile filante traverse cette matière. Il hésite. Mais le plus troublant, c'est la voix. Et qu'a-t-elle de troublant ? Eh bien, elle vient de la matière noire et l'on dirait que le rythme de la parole module l'intensité des traits de lumière. Le plus étrange, c'est que j'aurais sans doute dû avoir peur, mais j'étais totalement confiant. Confiant, mais surtout, pour la première fois depuis tant d'années, je me sentais en paix. La sœur Rampa sourit. Tout son visage n'est que sourire. Je suis vraiment très heureuse. Vraiment peu de gens atteignent ce niveau et surtout en si peu de temps. Je vous l'avais déjà dit et je vous le confirme, vous êtes un sujet exceptionnel. Dois-je m'inquiéter pour la voix ? Bien au contraire, c'est très rassurant. Et bien que nous arrivions au terme de nos consultations, je vais vous accompagner sur ce chemin. De toute façon, il vous aurait fallu continuer en auto-hypnose une fois par semaine pour conserver le bénéfice de votre traitement. Et nous aurions dû garder le contact pour le cas où vous auriez besoin d'un conseil. Ce ne sera donc qu'une légère modification à mon planning. Jean s'est levé et a rejoint le docteur Rampa qui vient de s'installer à son bureau. De cette écriture si particulière, elle prend rapidement quelques notes sur son cahier et lorsqu'enfin elle relève la tête, il lui demande « Que devrais-je faire exactement, docteur ?» Elle pose son stylo, réfléchit un instant. « Si cela est possible, je souhaiterais caler votre séance le vendredi en fin d'après-midi, de telle façon qu'elle se termine vers 19h. Cela correspond en principe à la fin de mes consultations. Je serai alors libre de vous consacrer tout le temps nécessaire. Dès la séance terminée, prenez 10 minutes pour noter tout ce qui vous paraît essentiel et ensuite, appelez-moi. J'attendrai votre appel. » Il est vraiment très touché de sa disponibilité et de sa gentillesse, mais ne peut s'empêcher de lui demander « Dois-je revoir mon médecin traitant ?» La sœur Rampa paraît surprise de la question. « À ce stade, nous sortons du domaine de la médecine et je ne peux donc percevoir de rémunération pour ce genre de pratique. Considérez que ces entrevues seront des entretiens privés. Je ne sais comment vous remercier, docteur. En m'appelant tous les vendredis. Au revoir, monsieur Rin. À très bientôt. » Le vieil homme prend congé du docteur Rampa. À cet instant, il ne se doute pas qu'il est appelé à la revoir très vite. En tout cas, lui qui hier tutoyait le désespoir, se sent aujourd'hui profondément heureux. C'est peut-être pour cela qu'il chantonne en s'installant au volant de sa voiture. La semaine est marquée d'une pierre blanche. Cela faisait si longtemps qu'il ne s'était senti aussi bien. Il a rangé ses affaires dans un bureau d'ordinaire poussiéreux et pour la première fois depuis des mois, s'est installé chaque jour pendant quelques heures pour lire dans le jardin. C'est une véritable renaissance, et on dirait même que la nature y participe en prolongeant l'été. Le temps a vite passé, et c'est déjà la fin de ce vendredi après-midi. Il s'assied dans le bureau, dans son fauteuil de relaxation. Il n'a plus l'appréhension qui lui crispait le ventre, comme lors de la première séance d'hypnose. Bien que sachant que c'est totalement inutile, il ne peut s'empêcher de programmer la sonnerie de son portable sur 20 minutes. Le dos calé dans le dossier de toile, les yeux fermés, il entame une séquence de respiration lente pour entrer en méditation profonde. Comme la sœur Rampa lui a enseigné, il fixe sa pensée sur un point imaginaire à quelques centimètres en avant de son front, juste entre les deux yeux, et commence à visualiser les nombres du décompte qu'il fait mentalement. Il ne lui faut pas 2 minutes avant d'avoir la sensation que son esprit a démesurément grandi et qu'il englobe tout l'espace. Aucun son ne lui parvient plus. Il est dans un cocon d'un gris très doux. Il s'y sent bien, heureux, un vrai havre de paix, où rien ni personne ne peut plus l'atteindre. Au bout d'un instant, comme les autres fois, le merveilleux paysage est là, devant lui, sauf qu'aujourd'hui, plus que d'habitude, il y est véritablement intégré. Il marche dans les hautes herbes qui s'écartent sur son passage, frôlant ses genoux. Il marche vers la muraille, vers les portes noires. Sous ses paumes, la sensation des épis de graminée qui l'effleurent en marchant. Le souffle léger du vent lui caresse le visage et fait bruire délicatement les branches chargées de fleurs des cerisiers. Sans hésitation, il marche vers la porte, vers sa porte. Plus il s'en approche, plus le bloc d'un noir profond semble s'animer. C'est un feu d'artifice de bienvenue. Des myriades d'étincelles pétillent. Il se rapproche et le bloc noir lui parle. La voix, la si douce voix, lui dit « Bonjour, John. » Il devrait avoir peur, il n'en est rien. Il se sent heureux. Si heureux depuis si longtemps que des larmes de joie lui viennent aux yeux. « Nathalie ?» Le bloc crépite d'allégresse. Dans ses profondeurs, les traits de lumière le parcourent de toutes parts. Le bloc noir n'a pas de surface. C'était si long sans toi. Jean tremble de la tête aux pieds. Qui le verrait dans sa transe en serait très inquiet. Où es-tu, Nat? Tout près de toi. On se retrouvera bientôt, très bientôt. Je suis si heureuse. Mais on dirait que la voix faiblit, inexorablement. Le paysage devient flou. Malgré ses tentatives désespérées pour y rester, Jean sort de sa transe hypnotique. Il sent que ses tentatives l'épuisent et finit par renoncer. Lentement, le vieil homme émerge et ouvre les yeux. Ses mains tremblent non de peur ou d'angoisse, mais d'une émotion indéfinissable. Ses yeux sont pleins de larmes, des larmes de joie. Avant même qu'il ne soit revenu à l'état de conscience, mille et une questions se bousculent sous son crâne. Il est bientôt 19 heures et, comme le lui a demandé le docteur Rampa, il prend avant d'appeler le temps de noter sa vision dans les moindres détails. « Allô, cabinet du docteur Rampa. » Jean reconnaît immédiatement l'accent, la voix caractéristique très douce, mais pleine d'une force affirmée. « Bonsoir, docteur. Jean Rine. » Au simple ton de la voix de Jean, elle sait que ce qu'elle attendait s'est produit. Elle ne pensait cependant pas que cela viendrait si vite. « Bonsoir, monsieur Rine. Heureuse de vous entendre. » Très méthodique, il lui raconte chacune de ses journées, puis en vient la séance d'hypnose dont il sort à peine. Le docteur Rampa l'écoute attentivement et parfois lui fait préciser un détail. « Très bien, je suis très content du résultat. Les progrès sont vraiment remarquables et… » Jean est flatté, mais ne peut s'empêcher de la couper. « Mais y a-t-il un mais, docteur ?»« Je n'ai pas prononcé ce mot. Soyez tranquille, tout va bien. » « Reprenons, s'il vous plaît. Êtes-vous certain d'avoir reconnu Nathalie et vous a-t-elle bien dit ce que vous m'avez rapporté ?» Jean s'éclaircit la voix, il est troublé. « Mon Dieu, si je l'ai reconnue, j'en suis certain. C'est Nathalie. Je n'ai aucun doute. C'est bien elle. Je ne l'ai jamais oubliée. La messagère est maintenant elle. Pourriez-vous m'éclairer, docteur ?» Le docteur Rampa se veut rassurante. « Ne vous inquiétez pas. Je ne peux vous répondre à chaud. Je dois réfléchir. Je vous rappellerai demain à l'heure du déjeuner. Passez une bonne soirée et surtout une bonne nuit. C'est essentiel et indispensable à votre récupération. À demain, monsieur Rine. » Il a raccroché quelque peu inquiet, mais comme l'a prédit le docteur Rampa, la nuit est douce et Nathalie est là.